Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Miles Davis, légende du jazz. If I make a recording and I play it so much and you're so close to it, it starts to, you know, then I have to do something else. Even with clothes, after 2 weeks, I'm ready to wear something else, you know. Le grand Miles Davis qui nous dit dans cette entrevue accordée à la télévision belge en 1985 que la musique pour lui, c'est un peu comme les vêtements. Après 2 semaines, il faut changer sa garde-robe et passer à autre chose. L'image, bien sûr, elle est un peu excessive, mais elle en dit long sur le bonhomme. Tout au long de sa carrière, Miles Davis ne cessera de se renouveler musicalement. Cool jazz, hard bop, jazz modal, jazz fusion, Miles Davis sera de toutes ces petites révolutions du jazz. Il sera aussi un formidable propulseur de talent. John Coltrane, Herbie Hancock, John McLaughlin, Keith Jarrett et combien d'autres encore auront débuté leur carrière aux côtés du maître. C'est tout un événement pour les amateurs de jazz que la venue à Montréal de l'illustre trompettiste noir Miles Davis, qui, comme on le sait, a contribué à révolutionner l'histoire du jazz par la conception nouvelle qu'il a apportée, tant au niveau d'une redéfinition de la sonorité de son instrument qu'au niveau de l'esprit et de l'harmonie de groupe qu'il a suscité. Il y a, dans le style de Miles Davis, une continuité frappante, caractérisée par l'exploitation des sonorités pures et poreuses, délicates et volatiles, et par les contrastes qu'il établit dans un phrasé qui allie à la sévérité de la construction une grande spontanéité et une grande liberté d'expression. À bien entendre Miles Davis, on se rend compte de l'importance qu'il accorde au silence, conçu à la manière parkérienne. Aussi remarque-t-on toujours dans son style cette alternance de vitesse ou d'accélération et de lenteur traduite dans les lignes presque statiques. Dans les passages rapides, il laisse jaillir des salves de notes, des grappes de son avec agressivité. Dans les passages lents, on ne peut pas fixer l'instant précis où commence l'émission du son, ni celui où elle se termine. Ne manquez donc pas d'aller voir Miles Davis au Black Bottom cette semaine. Vous en reviendrez transformé, heureux et peut-être inquiet, car il y a chez Miles Davis l'expression d'une sensibilité à ce point vulnérable qu'on ne peut y rester indifférent. L'avez-vous reconnu, le musicien, chanteur, jazzophile Raoul Duguay, en 1968, qui va d'une éloge bien sentie à Miles Davis à l'occasion de l'un de ses passages à Montréal. La pièce qu'on entendait, c'est Freedom Jazz Dance, tirée de l'album Miles Smiles, paru en 1966. Pour nous présenter Miles Davis, ce génie du jazz, mon collègue animateur à l'émission Quand le jazz est là, à l'antenne d'ici musique, Stanley Péan. Stanley, vous êtes un grand fan de Miles Davis. Vous dites que c'est carrément pour vous une idole. Pourquoi? Sa musique me touche et me touche depuis longtemps. D'abord à cause de la qualité intime de sa musique. On a l'impression que c'est une confidence quand Miles Davis joue. Confidence à la trompette, susurrée presque. Et parfois, oui, il y a de la colère, il y a de l'angoisse, il y a toutes sortes d'émotions qui passent. Mais d'abord et avant tout, il y a la tendresse et cette vulnérabilité dont parlait Raoul Duguay. C'est vraiment le géant qu'on dit qu'il est. Pourquoi il est si important dans l'histoire du jazz? Ben, d'abord à cause probablement de son intelligence musicale. C'est quelqu'un qui a su sentir vers où la musique s'en allait et influer justement ce cours-là. Miles Davis n'a pas seulement participé à des révolutions dans le jazz, c'est souvent lui qui, à partir du moment où il entrait dans ces mouvements-là, légitimait ces mouvements et donc une partie des créateurs le suivait. Donc c'est lui qui ouvre la voie à des nouvelles musiques. Toujours un coup devant. Oui, tout à fait. The sound that I have, the Japanese people recognize it as soon as I hit it. And they recognize my sound, like Frank Sinatra's voice, or James Brown, you know? You know who it is. It's the sound. Miles Davis qui parle dans cet extrait du son du son facilement reconnaissable de sa musique, comme le son, dit-il, de Frank Sinatra ou de James Brown. Pourquoi c'est aussi facilement reconnaissable? Et en fait, qu'est-ce que c'est, Stanley Péan, que ce son Miles Davis, comment le définir? C'est d'abord la fragilité du son de trompette. Il y a des trompettistes qui ont une robustesse, qui ont une certaine... c'est la bravoure qu'on admire. C'est extroverti, extraverti comme Louis Armstrong, comme Dizzy Gillespie. Il y a toute cette école-là. Miles est de cette école du jazz un peu plus feutré, comme Lester Young. C'est le cool jazz, une des premières esthétiques qu'il va défendre. C'est cette manière donc de jouer en retenue. Mm-hmm. Même quand il, comme disait Raoul Duguay, même quand il est agressif, il y a quelque chose chez Miles qui est toujours dans la retenue. Il y a cette incertitude de quand la note commence ou quand elle se termine. Tout ça contribue à l'ambiance très, très particulière de ces disques. Ouais. Parlons du jeune Miles, parce que ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur ses années de jeunesse, du milieu duquel il est issu. Présentez-nous-le. Qui est-il ou d'où vient-il? Alors, il vient d'East St. Louis. Par la suite, quand ses parents vont divorcer, il va plutôt être à St. Louis. Donc, partagé entre le père et la mère. Mais le père, Miles Davis, père, lui, il est dentiste, mm-hmm. Il est comptable. Il a deux activités. Il fait les impôts pour des clients blancs qui viennent déposer leur dossier le soir tombé pour pas trop s'afficher comme faisant affaire avec ce noir-là, qui est donc de la bourgeoisie noire du sud des États-Unis. Et ça fait toute la différence avec la plupart de ses contemporains. La plupart des musiciens de jazz, de blues, viennent de classes plutôt prolétaires, sinon très, très pauvres. Miles Davis, sa mère le voulait violoniste de concert. C'est dire à quel point il appartenait à un autre milieu. Et lui de dire dans sa biographie, mon père aimait tellement ma mère qu'il m'a plutôt acheté une trompette. Donc... Mais c'est très, très rare. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on le signale. Cette bourgeoisie noire, il appartient à ça, Miles Davis, à l'époque, ce qui n'est pas courant. Petite parenthèse, mais la question raciale, il vient de là, de cette bourgeoisie noire. Ce sera important pour lui? Ce sera très important pour lui, d'autant plus que, donc, puisqu'il est une sorte d'aristocrate dans la communauté noire, ce mauvais traitement de l'apartheid soft des États-Unis de l'époque, c'est quelque chose qui le heurte profondément. Il n'a pas été élevé à avoir peur. Et là, tout d'un coup, il se retrouve dans des milieux où, même jusqu'à 1960, il se fait tabasser devant le Birdland où il joue par un policier qui refuse d'admettre que c'est Miles Davis. Donc, vedette ou pas vedette, ces États-Unis-là, ce racisme ambiant fait qu'il se fait tabasser. Ça va faire la une de tous les journaux à travers le monde. Et il est en chemise blanche, avec veston blanc, et taché de sang parce que c'est au sang qu'on l'a battu. Et donc, Miles a toujours cette conscience-là de l'injustice de la société américaine, d'autant plus que fin des années 40, il voyage en France. Il est au premier festival de jazz de Paris en 1949, où là... Il a cette aventure avec Juliette Gréco. Il fréquente Jean-Paul Sartre, Boris Vian. Accepté. Il est accepté parce que c'est un artiste. Et il se rend compte, donc, il n'a pas à être un citoyen de deuxième zone comme dans son pays d'origine. La musique pour lui, ça commence, donc son père lui offre une trompette. À l'adolescence. Ça commence vite, ça commence jeune. C'est un peu dans les mœurs de la maison. C'est les mœurs de la maison. Sa sœur joue du piano, donc ça fait partie de ce qu'on peut faire. Et encore une fois, signe de son appartenance sociale, il va aller à New York parce qu'il a rencontré Charlie Parker et Dizzy Gillespie, deux des brillants champions de cette nouvelle esthétique, le bebop, qui vient de naître. Et on lui a dit, si tu viens à New York, cherche-nous. Lui, il va à New York, il convainc ses parents de l'envoyer à New York pour aller étudier la musique classique à Juilliard School of Music. Donc, encore là, c'est pas pour aller faire le jazz. Quoique, il dort pendant ses cours parce qu'il passe la nuit debout à parcourir les rues de New York, à fréquenter toutes les boîtes où jouent ses idoles. Et très rapidement, il remplace Dizzy Gillespie au sein de l'orchestre de Charlie Parker. Les années 50, la fin des années 50, Stanley Péan, c'est vraiment impressionnant, l'explosion totale. Ce qu'on entendait, l'album, un extrait de l'album « Round About Midnight », est-ce qu'on peut dire que c'est le premier grand album historique de Miles Davis? C'est pas tellement le premier grand album historique que celui qu'il fait connaître au grand public. Parce qu'en 1955, alors qu'il vient de se guérir de son addiction à l'héroïne, il fait une apparition au Festival de jazz de Newport. On l'avait même pas invité. C'est à la dernière minute qu'en insistant auprès du promoteur, on l'ajoute à une jam session. Il interprète ce morceau, Round Midnight, de Thelonious Monk, devant une salle qui est vraiment un auditoire, qui est vraiment renversé. La Columbia, tout de suite, par son producteur George Akavakian, va vouloir signer avec lui. Et il va signer un contrat alors qu'il est déjà sous contrat avec la firme Prestige, contrat exclusif. Alors, la Columbia a le droit d'enregistrer Miles, mais pas le droit de sortir les disques tant qu'il n'a pas fini de remplir ses obligations contractuelles avec Prestige. Mais là, on cherche à lui donner une aura avec la Columbia. C'est une grosse machine, ouais, par opposition à un petit label indépendant comme Prestige. Et donc, Columbia, c'est Sony aujourd'hui, hein. Donc, on va l'imposer comme on impose une star. Et c'est ce dont Miles Davis a besoin pour se faire connaître du grand public, parce que des disques de la même époque pour la Prestige sont aussi intéressants. Mais là, tout d'un coup, il est en limousine et on va en faire une grande, grande star. Et ça va donner de grands disques, une succession de grands disques. L'album Roundabout Midnight sort en 57. À peu près au même moment, Miles Davis va s'associer au réalisateur français Louis Malle pour la musique du film Ascenseur pour l'échafaud, qui va sortir donc l'année suivante en 58, et ça donne ce qui suit. Je t'aime. Je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Je t'attends. Je n'attends que toi. Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier ce soir? Non, madame. Extrait de la bande-annonce du film Ascenseur pour l'échafaud, qui a été remanié en 2015 par la Gaumont. Parlez-nous de l'histoire de cette musique, Stanley Péan. Miles Davis improvise, on projette les images du film et ça donne ce qu'on vient d'entendre. Ben oui, alors Louis Malle et lui ont réfléchi à la fonction de la musique dans un film, et au début de la nouvelle vague en France. Et vraiment, ce que Louis Malle veut, c'est une musique totalement improvisée. C'est une musique qui suit l'action de manière très, très, très spontanée. Miles Davis a vu le film à quelques reprises, s'est fait expliquer l'histoire parce qu'il ne parle pas français, s'est fait expliquer donc les dialogues par le réalisateur, mais il arrive en studio un soir de décembre 1957, avec ses musiciens qui, eux, n'ont pas vu le film. Il leur a donné des indications minimales sur ce qu'il veut comme climat, et lui improvise à la trompette ou fait improviser le contrebassiste pour certaines séquences. Et tout ça se crée en temps presque réel, en regardant les images. Quand on a l'intégrale des enregistrements, on se rend compte que c'est quelques prises pour chaque séquence et on passe à la séquence suivante. C'est une nuit en studio qui va donner cette musique merveilleuse et qui va donner une idée à Miles Davis, parce qu'il va retenir cette manière de procéder pour son autre grand disque qui va suivre, qui est Kind of Blue en 1959. Après Roundabout Midnight, il y a un grand classique qui est probablement un des 7 ou 8 classiques du jazz moderne. Il s'agit de So What, qui a été enregistré à peu près en 1959, je n'ai pas la date exacte, qui est sur étiquette Columbia, où on retrouve ce qui est probablement un des meilleurs groupes qu'on a jamais réunis pour une session d'enregistrement. Il s'agit de Miles Davis, naturellement, Cannonball Adderley, Bill Evans au piano, John Coltrane au ténor, Paul Chambers à la contrebasse. Et le batteur était Jimmy Cobbs, si je me souviens bien. Et c'était aussi, si je me souviens bien, le seul élément un peu faible du groupe. Pièce So What, l'album Kind of Blue, on est en 1959 et c'est Gilles Courtemanche donc qui parlait de cette pièce et de cet album à l'émission Le Jazz Autrement en 1970. Stanley Péan, il y a beaucoup d'amateurs qui continuent de considérer ce disque Kind of Blue, 1959, comme le plus grand disque de l'histoire du jazz. Et j'en suis. Pourquoi? Pourquoi c'est un si grand disque? Il réunit toutes les forces de Miles Davis. D'abord cette spontanéité, cette grande, grande liberté à l'intérieur de structures qui sont très, très bien défini, mais en même temps qui laisse la place à, à tous les solistes, y compris lui, de s'exprimer. Il n'y a pas de morceau écrit dans Kind of Blue. So What et les autres sont des esquisses, ce sont des gammes, c'est des suites de gammes qui sont prescrites. Il faut suivre cette suite de gammes et jouer ce qu'on veut à partir des notes de chacune de ces gammes-là. C'est ce qu'on appelle le jazz modal. Et donc, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet, il n'y a rien des structures de la chanson populaire que le jazz a longtemps suivi, là, les fameux standards de jazz. On est dans presque l'improvisation pure et chaque pièce, sauf la dernière, est une première prise. Alors là, quand on a l'intégrale enregistrement, il n'y a que Flamenco Sketches où ils ont, à l'écoute, Miles a dit, on peut faire mieux. Mais à chaque fois, si on est capable de se rendre au bout de cette suite de gamme, voilà le morceau. Ça s'appelle le génie, ça. Mais il savait, et ce génie, c'est aussi savoir s'entourer. Absolument. Les gens qui sont autour de lui. D'abord, Bill Evans, le pianiste, qui avait déjà quitté le groupe, mais qui était rappelé pour cette séance-là, le pianiste qui avait dit, lorsqu'il était rentré dans ce groupe, je joue avec des surhommes. C'est le respect qu'il avait pour les autres et il s'excluait, mais lui aussi, on sait son importance dans l'histoire du jazz. Et sans lui, le disque est à peu près pas envisageable. Ce sont les réflexions de Miles et de Bill Evans qui donnent ce nouveau système qui est le système du jazz modal dont on discutait depuis un moment, qu'il y a eu des tentatives, mais un album complet construit là-dessus. Et ça a l'air très, très théorique alors que Kind of Blue peut jouer pendant vos cocktails et c'est une musique extrêmement mélodique. Ouais. Extrêmement agréable à l'oreille et on ne sent pas à quel point elle est révolutionnaire 60 ans plus tard. Et Miles va vous parler des musiciens exceptionnels et ça va le suivre. Il y aura de grands quintettes. Ce gars-là va, je le disais au début de l'émission, va découvrir des talents fous, va lancer des carrières et il va en parler beaucoup quand il donne des entrevues dans ses mémoires du plaisir qu'il a, des rencontres qu'il aura. Il y a des gens qui lui en voulaient de disparaître de la scène pendant ses concerts. Mais il dit, moi, ce que j'aimais pendant mes concerts, et il le dit dans son autobiographie, c'était de m'asseoir et d'écouter mon groupe. Tellement il aimait le groupe. Alors, il disparaît pour être en dehors du groupe et voir à quel point des gens comme John Coltrane, on l'a nommé, comme Bill Evans par la suite, il va y avoir Wayne Shorter dans son groupe, jusqu'à les saxophonistes, il y en a consommé beaucoup. Il y a Kenny Garrett, qui était un de ses derniers saxophonistes, qui dit c'était le plus grand depuis Coltrane. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'un nouveau son, à la recherche de jeunes qui vont le stimuler parce qu'il refuse de vieillir. Il veut être à la mode. Ouais. Il est obsédé par cette idée d'être à la mode. La musique qu'il jouait il y a 5 ans, c'est déjà trop vieux. Alors, il y a des périodes dans sa vie. Et on va voir avec la période qui s'en vient à quel point on se retrouve complètement ailleurs. Années 60-70, là, on va vraiment vers du jazz fusion, plus de rock, du funk. Miles qui vraiment va faire de nombreux albums, encore une fois, dans ces années-là, entouré de grands musiciens, dont l'album Bitches Brew en 1970. Pièce Spanish Key du disque Bitches Brew. On est ailleurs, Stanley Perl. Les rythmes ont changé, l'instrumentation change un peu. Elle est électrifiée, ce sont des claviers, c'est des guitares électriques, c'est des basses électriques. Il emprunte au rock, bien sûr. Il sent venir la vague et bon, il y a le jazz qui a perdu une partie de son auditoire. Miles Davis, à cette époque-là, écoute James Brown, un artiste de soul funk. Il écoute Jimi Hendrix. Il a failli collaborer avec lui. Bon, ça s'est pas passé pour une histoire de femme, mais Jimi Hendrix ayant coquifié Miles Davis. Mais il y a cette idée-là que, bon, c'est là que la musique s'en va et voir comment le jazz peut reprendre au rock ce que le rock tient de toute façon du jazz. Et Bitches Brew, c'est un album qui, au fond, malgré tous ces changements de rythme, malgré ces changements d'électrification et tout, les principes de base sont les mêmes. C'est l'économie de moyens. Vous voyez, on a entendu un bout de son solo. Ce sont des petites phrases courtes à la trompette. C'est une ambiance qu'on veut créer. On est vraiment presque dans de la musique de film. Énorme succès, hein? Il va vendre 500 000 exemplaires de ce disque-là assez rapidement. Il va dire que c'est la période aussi, les années 70, où il va essayer de d'aller chercher les Noirs avec sa musique. Les jeunes Noirs. Les jeunes Noirs. Oui, mais effectivement, parce que le jazz a cette réputation de musique de salle de concert. Il a joué à Carnegie Hall, comme tous ses contemporains. Mais lui, il a l'impression que la rue ne l'entend pas, alors qu'il a besoin d'être à la mode. Il a besoin d'être dans le coup, Miles Davis. C'est pas pour rien qu'il s'entoure de jeunes musiciens. À ce moment-là, son bassiste, il va aller chercher dans l'orchestre de Stevie Wonder. Et il veut avoir, il a failli passer chez Motown aussi, quand il était en querelle, renégociation de contrat avec la Columbia. Donc, c'est important pour lui. D'autant plus que, avec tout ce qui se passe au niveau dans les années 60, avec les remous sociaux, le conflit racial encore aux États-Unis, il a l'impression qu'il a besoin d'être entendu par sa communauté. Après une absence de 6 ans à la fin des années 70, Miles revient en 81 avec Miles Ahead et puis il y aura en 86 Toutou qu'on vient d'entendre. J'ai choisi cet extrait-là, Stanley Payant, parce que pour moi, c'est d'abord, j'aime cette pièce, mais c'est aussi très représentatif du Miles de la dernière décennie. C'est devenu une super vedette. C'est une star pop qui joue dans Miami Vice, qui joue dans des films, qui apparaît à la télévision pour faire des pubs. Et c'est aussi un musicien toujours aussi à l'affût de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il écoute à ce moment-là? C'est Prince. On reconnaît l'influence de Prince là sur le bassiste Marcus Miller, qui est le dernier arrangeur d'importance à avoir travaillé avec Miles. Et lui, il a conçu toutes les ambiances sonores et Miles n'a plus qu'à venir improviser sur ce que Marcus Miller a tissé comme écrin pour lui. C'est un disque exceptionnel. Avec des sons. Maintenant, on est dans l'électronique, on est dans le montage. Presque tous les instruments, sauf la trompette, sont joués par Marcus Miller. Donc, c'est une autre manière de faire le jazz, un jazz électronique qui prend un autre sens quand Miles Davis se produit en concert, où là, on revient à l'idée d'avoir un groupe avec soi. Mais là, c'est pas un groupe, c'est du bidouillage studio. Un mot en terminant sur l'homme qui est un personnage excessif, tourmenté, violent aussi, un sale caractère. Il a un sale caractère, il est ombrageux, il est violent avec ses femmes, il ne s'en cache pas dans son autobiographie, c'est le côté sombre de ce personnage-là. Et en même temps, les gens qui l'ont côtoyé de près, que j'ai eu la chance d'interviewer, je sais pas, je peux nommer son héritier, Wallace Roney, qui a hérité de ses trompettes à sa mort, dit « ce type m'a adopté comme si j'étais son fils ». Il m'a entendu jouer une fois, il m'a demandé « waouh, j'aime ton son ». C'est quoi cette trompette? Je lui dis, j'ai pas de trompette, je l'ai louée. Et tout de suite, à un parfait inconnu, il lui donne sa trompette et lui dit, ma porte est toujours ouverte. Une amitié qui va durer 8 ans. Et y en a plein d'anecdotes comme ça, de musiciens qui ont été pris, des jeunes comme ça, qui ont été découverts par Miles et avec qui il était comme un second père. Alors, à la fois, cette espèce de violence inouïe, parfois avec les journalistes, avec les photographes. Il est soupe au lait, comme on dit. Il a un caractère vraiment irascible et en même temps, il est capable de cette tendresse qu'on entend dans son jeu. Stanley Payant, animateur à ICI Musique, grand amoureux de Miles Davis. Merci infiniment, Stanley. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Mathieu Beauchamp, la réalisation. Les recherchistes Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives Mario Bolduc. Au site Internet Mathieu Arsenault. À la technique Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.